Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti travail de Corée, premier président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, a visité la colonie de vacances de Mangyongdae, nouvellement réaménagée. Il a été accompagné de Choi Ryong-hae, membre du Comité permanent du bureau politique et vice-président du Comité central du Parti travail de Corée et d'autres cadres responsables du parti et de l'armée. Sous la direction du comité du parti de la ville de Pyongyang, le comité du parti de l'arrondissement de Mangyongdae a élaboré le plan d'achever à merveille le réaménagement par ses propres moyens et travaillé avec largeur d'esprit pour ainsi réaménager la colonie constituée de 3 grands bâtiments pour vacanciers, des restaurants, maisons, cages d'animaux, pensionnats pour personnel, étang pour promenade en canot, piscine en plein air, terrain de basketball en plein air, terrain de sport et d'autres. En serrant les mains des quatre, le camarade Kim Jong-un a dit qu'il a été vraiment content du rapport sur le réaménagement de la colonie et estimé beaucoup leurs efforts pour les travaux difficiles. Il a fait le tour de la salle d'éducation selon les hauts faits révolutionnaires, de la salle de conservation des objets d'intérêt révolutionnaire et de la salle d'historique. Il a dit que seule la colonie de vacances de Mangyongdae suffit pour faire savoir combien le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il ont aimé les enfants et quel intérêt ils ont accordé pour les former en maîtres du pays compétents sur les plans intellectuels, moral et physique. Il a estimé le réaménagement des colonies de vacances, des maisons et des palais des enfants de tout le pays, conformément à la demande du nouveau siècle, comme le travail important pour réaliser le noble dessein du président et du général qui se sont efforcés toute la vie pour les enfants et insisté sur la nécessité de poursuivre ce travail pour faire briller à jamais les exploits des grands leaders. En faisant le tour de différents endroits de la colonie, il s'est renseigné en détail sur le réaménagement et les préparatifs de gestion. Les pavillons pareils à des tours sont exposés au sud, à côté des pics hauts et bas en face de la rivière Suna. Dans les chambres à coucher, le camarade Kim Jong-un a affirmé qu'elles sont aménagées impeccablement de façon à assurer toute facilité à la vie des vacanciers. En faisant le tour de la salle de jeux folkloriques, de la bibliothèque, de la maison et d'autres, il a dit que les enfants seront très contents et apprécient encore une fois les efforts dépensés pour leur assurer d'excellentes conditions de vie. En visitant des salles de repas, salles de repas pour fêter l'anniversaire, salles de repas en plein air du restaurant Coquet au-dessus du lac, il a dit avec joie qu'on a construit particulièrement de façon à conformer à la mentalité des enfants et à donner l'impression de prendre le repas à bord d'un bateau, et que surtout la salle de stage pour cuisine est bien aménagée pour permettre aux enfants de faire cuire du riz et de préparer divers mets de leurs propres mains. Il s'est informé de la qualité d'eau de la piscine en plein air, a mesuré la hauteur du tremplin et déclaré qu'il y fera installer un toboggan qui se marie avec le paysage naturel et que les enfants n'auront pas envie de quitter la piscine. Avec affection, il a affirmé qu'il fera couvrir du toit le passage depuis les pavillons jusqu'au restaurant et le terrain de basketball en plein air pour ne causer aucun inconvénient même sous la pluie, envoyer des animaux rares aux cages pour une plus grande joie des vacanciers, divers équipements aimés des enfants à l'étang pour promenade en canot. En promenant ses pas dans l'enceinte de la colonie, le camarade Kim Jong-un a estimé beau le paysage avec nombre d'arbres et déclarer qu'il y a des Eldorado des enfants, y compris les colonies de vacances, dans les meilleurs endroits de notre pays. Il a dit qu'il est bien satisfait de sa visite et exprimé la grande satisfaction de la construction des nouveaux palais des enfants, matérialisation de l'amour sublime de notre parti pour les enfants et le futur, décidé à aller cueillir même une étoile du ciel si c'est pour les générations montantes. Il a souligné que nous faisons la révolution pour les enfants malgré les obstacles et les épreuves, qu'il faut leur assurer un bonheur envié par le monde entier pour que le chant « Nous n'avons rien envié dans le monde » retentisse à jamais. Et il a esquissé un large sourire en disant qu'il ne se sent plus fatigué et qu'il est joyeux à la colonie de vacances réaménagée à merveille. Il a estimé impeccable le réaménagement, apprécié haut les exploits des quatre, des militants du parti et des travailleurs qui ont manifesté de nouveau avec force le militantisme et le style de lutte des créateurs du nouvel esprit de Pyongyang et de la nouvelle vitesse de Pyongyang dans les travaux de réaménagement et leur adresser les remerciements au nom du président du Parti travail de Corée. Il a invité à présenter largement les expériences des comités du parti de la ville de Pyongyang et de l'arrondissement de Mangyongdae, qui ont montré par la pratique, à travers les travaux, que la fidélité ardente au parti permet de le créer à partir du néant, et apprécier haut encore une fois le travail de ces deux comités, qui règlent un à un les problèmes qui font l'objet de l'intérêt profond du parti. Il a expliqué que l'entreprise pour les enfants est importante pour faire valoir l'essentiel du socialisme et manifester la supériorité du socialisme et ordonner au comité du parti pour toutes les provinces de suivre la méthode de travail du comité du parti de la ville de Pyongyang qui est sensible à la politique du parti et qui lutte avec force pour son application. Il a dit que les rires des enfants font la joie de tout le pays et recommandé de tenir solennellement la cérémonie d'inauguration de la colonie de vacances de Mangyongdae à l'occasion du 70e anniversaire de l'Organisation des enfants de Corée pour que les enfants chantent leur bonheur dans la colonie bien réaménagée.